Thank you. Thank you. Thank you.

de briser tous les silences qui nous fermaient l'avenir. Sonnés dans l'impatience, nous avons brûlé les remparts d'indifférence qui nous tenaient prisonniers. Façonnés dans la tendresse, nous forçons la vie à nous tenir ses promesses dans un monde en agonie.